Vi uma inteira, não, deixei um bocadinho para hoje. Pois, fizeste bem. Abri as janelas todas, vi o fogo de artifício. Sim. Às 10 da noite estava quase a dormir, mas aguentei-me só de meia-noite. Sim, esperei para ligar ao meu pai, à minha mãe. Pois, exato. E ao meu cão. Passei o fim do ano com o meu cão, que foi extraordinário. Foi extraordinário. Vamos jogar o quiz? Vamos lá. Escolhemos a música do ano para mim. Pode ser? Pode. O que foi que o Caio Estoré Funk Connection dão na canção Mal Perder-se? A. O que é que eles dão? Dão, sim. A. Dão o tempo. B. Dão o dinheiro. C. Dão o coração. D. Dão a devoção. Não sei. Não sabes? Zero. Tempo, dinheiro, coração, devoção. Tempo, dinheiro, coração. Coração, mal perder, dinheiro. Vá lá que temos com pouco tempo. Eu não sei dinheiro. Estamos com pouco tempo. Tempo. Disseste tempo? Existe tempo. Tempo, tempo, dinheiro, coração, então, tempo. Tempo? Vamos conferir. Deixe o tempo, deixe tudo. Está certo, pá. Tu és extraordinário. Tu és. Sem ajudas. Pá, tu és incrível. Nuno Rodrigues, dá-lhe as notícias. Grande ano, meu amigo. Para ti também. Notícias às 5, Nuno Rodrigues. Depois o bonitão, dá-lhe música. Até às 7, para o final. Mal perder. Um abraço. Eu dei alma e coração. Dei-te o tempo, dei tudo, mas quem ficou com a razão? Eu dei tudo e não foi em vão. Construímos um sonho, só que era uma ilusão. E se eu não sou com a razão, leva o teu amor, o calor e a dor que eu não faço questão. Fica com os anos, os danos sem planos, eu estou pronto a ceder. Leva o desamor, já não sou credor. Fica já a saber. E se eu não sou Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Porque tá. 96.2, si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 20h avec votre émission Groupe Tropical. Et puis qu'il fait ça encore. Toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel vous souhaite de très très bonnes fêtes et puis également une très très bonne année 2025 sur le 96.2. Je suis ravie de vous retrouver avec eh bien les meilleurs titres qui ont fait cette année 2024. On va commencer tout de suite avec le groupe Karimi. Bien oui, le groupe Karimi qui était de retour sur la scène de l'Arena Bercy. Ils ont fait un véritable tabac. Et puis parmi tous les titres qu'ils ont interprétés, un petit hommage à Mika Ben. h 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Bye. Beaucoup d'émotions sur ce titre interprété et puis également coproduit par Monsieur Mika Ben. Moi j'adore ce titre, c'est vrai qu'on ne l'a pas écouté assez souvent. En tout cas on a une grosse pensée pour lui. Sur le 96.2 j'ai repris mes esprits, tout va bien. On avait quelques petits problèmes de technique pour commencer mais tout est revenu dans l'ordre. On va pouvoir commencer cette émission avec du très très très bon son, du compas bien entendu mais aussi du zouk et puis du zouk rétro et puis du vieux compas et puis du compas tout jeune. Voilà, sur le 96.2, l'ambiance avec tout de suite, on va continuer car avec une séquence souvenir Crazy Music. Arc-en-ciel, votre émission Groupe Tropical vous souhaite une très très bonne année 2025. Check it back. J'avoue, on commence fort ce soir. Hein. Allez, allez, si vous êtes encore ainsi, en prison, je n'y comprends rien, moi. En tout cas, pas moi. C'est dommage que vous n'ayez pas les images. Groupe Tropical, 18h, 20h, le meilleur de la musique, il y a de la Caraïbe. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. pas mis le temps. Mais maintenant que je t'ai trouvé, je me sens pousser des ailes. Je suis prêt à braver tous les dangers. C'est mon cœur que t'entends. Ma tête et mon cœur l'ont guidé. Je voudrais toucher les lèvres ta fleur. Tu sais te faire frissonner. Je suis pas le mec qui tchatche, qui pleuve, que tu kiffes, mais ne fais pas ton bonheur. Yeah. Señorita, je te donne mon cœur. Mais la fin après de toi, je suis bien. Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. tu m'as goûté. Cet obsessionnel addictif, comme un refrain à feu d'artifice. Chaque jeudi 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Come on. chéri, ou se inspiration mwen. Se ou ki fèm kompren la vi, se ou ki fèm kompren l'amou. Chéri, destination se pou fè kè ou kontan. Pou chak kote ou va rive, pou yo pa chan mwen dlo nanje. Mwen deside, sou vle fèm mwen de mwen pado. Mwen deside, tout sa ou vle, se sa mwen vle. Mwen deside, sou vle kem kom pi go kado. Mwen deside, tout sa k fè ou ple, se sa mwen vle. Chéri, ou se respiration mwen. Se ou ki fèm kompran la vi, se ou ki fèm kompran l'amou. Destination, c'est pour faire qu'il content. Pour chaque côté, vous va arriver. Pour y'a pas, j'aime moins de moi décidé. Si vous voulez faire monter mon bateau. Moi décidé. Tout ça, vous voulez, c'est ça, moi blé. Moi décidé. Si vous voulez faire comme petit beau cadeau. Moi décidé. Tout ça, vous faire plaisir. C'est ça, moi, blé. Maximum de soleil le jeudi soir entre 18h et 20h avec votre émission Groove Tropical. Petite info pour ceux qui ne l'ont pas ou pour le rappeler, le numéro de téléphone, vous pouvez me joindre 02 38 43 48 00. En tout cas, pour tous ceux qui m'adressent leur vœu via mon portable, je vous retourne les miens et je vous souhaite une très très bonne année 2025. Avant de retrouver une grande plage de zouk rétro tout à l'heure, je vous propose eh bien des petites nouveautés. Il y en a deux à la suite. À Estonie, et puis tout de suite après, ce sera Michael. Au final, on s'était... un péché, je l'avoue. Comment t'y être si honteux? Pour moi, c'est douloureux, comme si ça datait d'hier. Je dois balayer les souvenirs qui restent. Tout est promis, j'aurais dû tout échouer. Pourtant, j'ai tout essayé. Et malgré tous mes efforts, rien n'a changé. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Bien, mais ton pas de fausse note. C'est pour un temps qu'on restera loin.

comme si ou pas ouais. T'as bien nos chandelles, l'amour non mais on fait semblant combien devant mon nom pas gommé. Me pas chanter des que sous toute promesse, mais qui j'en peux faire ça. Stupidité. Tandis que yo pensé, yo garçon conséquent, si on être de fer et qui chargé en cœur. Ça fait longtemps que t'entendais, y'a traité de junior. Seul faut que moi faire, c'est dit tout ça que moi senti. Est-ce que c'est un défaut ou bien signe de faiblesse? De mon choisir bêté, sentiment moins à nu. Nous faisons tout, sans pas jamais privé. N'a pas gardé, d'un coup yon a privé. Nous faisons tout, nous pas jamais privé. Nous connaissons bien, de tout ce qui est médié. Dès qu'il s'agit de moi, un peu irresponsable, un monde sans foi ni loi. C'est une simple façade, moi toujours exposé. Comme c'est un insouciant sur ma défensive. Bien moins décidé, faire une confidence. Moi c'est un monde sensible, me charge et compassion. Yo triste vérité, faut non pas ignorer. Là c'est un livre vert où son poids s'en défend. Nous battons un coup, ça va jamais arriver. N'a pas égalé, Un duo incroyable hein, sur le 96.2 dans votre émission Groove Tropical. Monsieur Sweet Mickey, bien sûr, Monsieur Martelly. Et puis, Armie Larivière au chant, extrait du tout dernier album, justement, du groupe New Look. Allez, au chapitre des nouveautés, on trouve les Simulis. J'en ai ce titre, moi j'adore d'ailleurs. Le titre que je vous propose tout de suite, c'est Danger. Eh ben non, c'est pas danger, parce que ça veut pas y aller. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Je sais pas. Il y a un petit vent de folie, là. Votre émission de Groove Tropical, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Je crois que c'est duré sur réveillon, ça doit être ça. Allez, très très bonne soirée en ma compagnie. Danger, danger, ou t'es mal et m'a gagné. Bomba Gaila. Weo. Bomba Gaila. Bomba Gaila. Bomba Gaila. Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba. Ta couché ouais mon a mangé. Eh oh. La gade a clan li filé. Eh oh. La boue qui j'en l'envie goûté. Eh oh. Pa qui menti le mou chéri. Chérie, moi décontrôlé. Bomba Gaila. Ma même cap expliqué ou qui jamais excité. Chérie, Bomba Gaila. Ma soube qui pour qui moi campé sous toi bien. Bomba Gaila. Bomba Gaila. Bomba Gaila. Pas besoin d'autorisation. Eh oh. Pour un camé de mon action. Eh oh. Ça me senti à chérie. Chérie, moi décontrôlé. Bomba Gaila. Pas même cap expliqué ou qui jamais excité. Chérie, Bomba Gaila. Pas sous béqui pour qui moi campé sous trois pieds. Bomba Gaila. C'est un chérie. Bomba Gaila, oui. Bagala, papille, t'as bon pression pour m'baille. C'est moi pour décider si nous cagaille et paille. Si moi t'as bon goûter qu'on en va dans bataille. Faut pour bataille. Faut pour bataille pour bagaille. Thank you. touche bagay la, ki dem devore bagay la, bon bagay la, bon bagay la, pase ti men sou lè, bon bagay la, pase ti bouche sou lè, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon bagay la, bon arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Je n'ai plus Yeah. Groupe Tropical, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Devant tous nos amis réunis, aujourd'hui c'est toi. Je vois dans ton regard que la femme de ta vie c'est moi. On se promet que ce sera juste nous trois et moi. Ça différent m'imaginer sous les qu'on m'a pour Yahweh nous connaissiez dans ce cachalipé, parce que nous avons la voix ratée. We'll be right back. Police! Notre chère Jocelyne, extrait de son tout dernier single, eh bien oui, tout plus tard. Elle était en live carrément sur cet album avec, c'était du côté des Folies Bergères, je crois, il n'y a pas très longtemps. En tout cas, c'était en 2024. Sur le 96.2, les plus belles voix de la Caraïbe, la plus belle voix féminine de la Caraïbe. Dans votre émission Groupe Tropical, on va continuer avec Mademoiselle devinez qui. Je suis sûre que vous allez la reconnaître aussi tout de suite. Tania Saint-Val. Et c'est un remix de N'oublie pas. Je pense à toi si fort. Tropical, comme chaque jeudi, le meilleur de la musique, il y a de la Caraïbe, il est presque 20h. Il est l'heure pour moi de vous quitter, je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très très bon week-end. Et eh bien, merci beaucoup pour votre fidélité au 96.2. À bientôt, au revoir. C'est quand il veut. Ce soir, c'était vraiment tout au ralenti. À jeudi prochain, au revoir. Toutes ces mêmes hommes, chérie, problème. La caille sont des faits mal. Mon travail sont des faits mal. Guerre en pile, responsabilité. Dans la vie, on oblige l'idée. La FM en couleur. Na Continental e na Madeira, 6 nos Açores. A esta hora nas notícias. Ainda não há conclusões, mas já está terminada a investigação da polícia.